Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues FR. Salut toutes tous, pour cette nouvelle édition de Blues FR, je vous propose les trois albums suivants, Manu Slide, Alex and the Moonshiners et Mr. Chang, Blues Explosion. Et en fin d'émission, vous aurez droit à deux vieilleries, Roland Chakunte et Marvelous Pig Noise. Manu Slide, l'album UK Swing. Voici ce qu'en disent Paris Move et Blues Magazine. Que ce soit en collectif au sein des Harp Sliders, des King Kazoo ou des Yokata Brothers, ou en one-man band, Human Slide, Emmanuel Poliotre, alias Manu Slide, demeure cet infatigable vulgarisateur des roots musiques dérivées ou ascendantes du blues et de ses affluents. Également animateur de conférences musicales et ardent promoteur du bricolage d'instruments recyclés, ce militant débonnaire n'en est qu'à son second album solo, mais peut néanmoins se targuer déjà de trois bonnes décennies d'activités sonores. Parmi ses cigarbox, dobro, kazoo et slide guitare de tout bois et métaux, il est un instrument qu'il goûte particulièrement, le ukulélé. Other people like to blow the house. Everybody wants to sing and play the best they can. Everybody wants to be a good music man. That's the reason why I play the jig swing. Oh, that's for sure, I love to do that thing. Every day when I wake up, try to get a feeling. That's the reason why I play the jig swing. De donner un avis. Manu Slide traduit sur disque son amour pour le ukulélé, qui fut son premier instrument d'enfant. Il reste émerveillé par les possibilités musicales de cette guitare porte-clés et son attractivité auprès du public. Rythme et mélodie jazz, blues, rock, le UK peut tout faire et Manu égrène un répertoire varié, original ou repris. Un disque apaisant. Thank you. Au carnaval de fin d'hiver, Nouvelle-Orléans, Bourbon Street. Je danse à perdre haleine, solitaire. Pas de peine, ni de pleurs, ni de misère. L'esprit en fête. Je rêve et je t'imagine, solitaire. Lonesome on the road, a guitar's alone. Down the dirty road, carry you heavy load. Come and see your friends, come join in the dance. Come and charm your friends, your music is a chance. Sur la route de poussière, jeté à terre, je me relève. Pas à pas, je traverse l'univers, solitaire. Assis au bord de la rivière, les cœurs en bandoulière, je dessine l'espoir de te revoir, solitaire. Lonesome on the road, the guitar was alone. Down the dirty road, carry you heavy load. Come and see your friends, come join in the dance. Come and charm your friends, your music is a chance. Courbé par le vent, la tête à l'envers, je rentre chez moi, aujourd'hui loin de toi, solitaire. Ta musique m'engourdit, comme une trêve éphémère, ton souvenir, mon ami, solitaire. Voici maintenant l'album Alex and the Moonshiners, 7 Year Itch. Voici un extrait de la chronique du site Blues Again. 7 ans de réflexion, vraiment, déjà 7 ans depuis l'album précédent. Quoi qu'il en soit, revoilà les Moonshiners, toute artère battante avec leur blues rock singulier à connotation New Wave, un mouvement qui prétendait justement purger le rock de son blues. Au risque d'être un peu bourrin dans la présentation des champs magnétiques, mettons que le blues soit apporté par Lionel Rice, grand riffeur devant l'éternel et soliste exemplaire, et mettons que la touche New Wave vienne d'Alex, ancienne punkette, chanteuse à la voix cloutée et accordéoniste sur le 12e et dernier titre de cet album. Les Moonshiners sont 4, le Contillet avec le bassiste Rico Rajao et le batteur Frank Pierrot. Faire tenir ce tour. to dawn. Ce qu'en pensent Paris Move et Blues Magazine. Avec plus de 600 concerts entre 2006 et 2014 et 4 albums à leur actif, Alex and the Moonshiners se sont accordés une pause de quelques années. 7 au total, d'où le titre de cet album Du Retour. Sur les riffs assassins de Lionel, Alex y démontre qu'elle n'a rien perdu de son proverbial souffle mordant. Fin de la récré avec deux nouvelles punk covers, Never Get a Job et Pretty Vacant des inénarrables Sex Pistols. Parmi les autres reprises de Iron Maiden à Nine Inch Nails, on distinguera celle en rockab frénétique de I'm Gonna Sit and Cry Over You, dont Elvis Presley fit ses banana sandwich au beurre de cacahuète. Alex and the Moonshiners. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you say goodbye, if you ever Le troisième album, c'est le retour également de Mr. Chang sous le nom Mr. Chang Blues Explosion. Et l'album s'appelle Time to Move. Mieux connu sous le pseudonyme de Mr. Chang, Samuel Audrix est un guitariste et chanteur du Sud-Ouest qui sévit depuis près d'un quart de siècle sur les scènes européennes. Que ce soit auprès d'artistes tels que Sandra Hall, Super Chicken, Nico Wayne Toussaint ou Melted Milk, ou au sein de ses propres formations, Easy Money, Foot Stompers, Fuzz, Candy, Tribute to the King, ou parmi les French Blues All-Stars, les spectateurs de festivals tels que Cognac, Blues sur Seine, Grazy Blues, Salaise, etc., etc., connaissent son tempérament expressif et généreux. En dépit d'une relative homonymie avec le trio que dirige John Spencer, son nouvel album en tant que leader n'en partage guère le caractère iconoclaste, puisque l'on retrouve à ses côtés la fidèle rythmique des All-Stars. Avec l'une des plus épatantes pépites soul blues jamais produites dans notre pays, Mr. Chang et ses complices emportent notre inconditionnelle adhésion. I believe I may be going to hell. Well, I ain't superstitious. I believe I may be going to hell. God, Lord knows I struck him down and I don't even care. Well, I don't care about no devil. Et le magazine Soulbag n'est pas en reste. Entouré par Sylvain Tégériseau au saxophone, Pascal Delmas à la batterie, Antoine Escalier à la basse, produit par Arnaud Fradin dans son studio, avec Victor Puertas invité au clavier et à l'harmonica, Catherine Cajoun au washboard, et doté d'un répertoire original, Sam, Mr. Chang, propose un nouvel opus qui fait mouche. La marque de Sam, c'est de respecter les canons du blues en restant ancré dans la modernité. Ça groove de bout en bout, le chant est excellent, le son est superbe, Mr. Chang tient là son disque de référence. Nous voici arrivés dans la séquence des vieilleries. Il y a 10 ans, la vieillerie Roland Chakunte, l'album Endoni. Quelques mots sur le site Bleu Blanc Blues. Roland Chakunte n'est pas un artiste qui se laisse enfermer dans un style ou dans un son pendant trop longtemps. Et si ses racines les plus profondes se nourrissent encore et toujours de son amour pour l'Afrique, ses influences vont très loin, jusque de l'autre côté de l'Atlantique. En perpétuel mouvement, le duo du début des années 2000, dans lequel on retrouvait déjà Mick Ravassa à la guitare, s'est quelque peu étoffé avec l'arrivée de Matthias Bergsheim aux percussions, puis parfois les apports substantiels de Renaud Cugny au piano et à l'orgue et de Christophe Dupeux à l'harmonica. C'est aujourd'hui une formation à géométrie variable qui inonde de son talent les scènes du monde entier. la voix et la guitare de Roland faisant autant d'effets en Afrique qu'en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique. Devenu un des meilleurs représentants du blues world à la française, Roland Tchakounté n'en abandonne pas pour autant sa langue maternelle, le bamiléké, celle qui lui permet de faire passer ses émotions directement dans le cœur des auditeurs. Mudon yo lo nomi Vamam na kazi dam Mudon yo ko lombi Vamam na kawi dam Mudon yo lo nomi Vamam na kazi dam Mudon yo ko lombi Mudon yo lo nomi Amone fagam ku yumi Vieillerie de la vieillerie, ce sera Marvelous Pig Noise, l'album Louise et Anne, paru en 2002. Voici la chronique de Joël Bison sur mon site Bleu Blanc Blues. Décidément, en Languedoc, on ne chôme pas. Voici le troisième album des Marvelous Pig Noise. Alors mon petit doigt m'a dit « tu devrais l'écouter » et il ne s'était pas trompé. Louise et Anne est un véritable plongeon à la source de la musique du sud des États-Unis. Même Julie s'est arrêtée de pleurer. Un quart de seconde et la mama était ravie. j'avoue que ça me donne du mal. Va savoir qu'écrire sur ce joyau de 14 titres, dont 11 sont des compositions en français, signées pour la plupart par Pierre Citerne. Vous aurez reconnu ci-dessus 7 chansons de ce véritable tableau aux couleurs métissées, où les gouaches sont remplacées par du gospel, du skiffle, du zydeco, du jazz et du cajun. Chaleur et richesse de la musique louisianaise sont à l'honneur sur cette galette. L'originalité des textes en langue de Voltaire et l'accompagnement festif vous emportent dans un tourbillon de bien-être. Ce quintet de Montpellier a inventé un son. Transpirant la bonne humeur, la chaleur et l'envie de bouger sur toutes les plages, Louisiane est certainement la galette la plus colorée de leur trilogie, qui se superpose et se complète en nous faisant découvrir toute la richesse et la variété des musiques à l'origine du blues. Marvelous Pig Noise! Qui se déchire pour Louisiana. Mon âme, ça fait des vagues pour Louisiane. Je fonce, dévorant l'espace, je bondis, je m'élance. Complètement speedé, vite, vite, je cours, je vole. Le diable à mes trousses, j'ai l'air d'un possédé. Un quart de seconde pour faire le tour du monde. Un quart de seconde avant le dernier coup de ronde. Toujours en retard, en état d'urgence, pour attraper. patience. Cigarette sur cigarette, toujours sur le grill, je brûle les étapes. Flambe ma vie, j'ai le feu derrière. Pour moi, l'espace-temps est une poulière. Un quart de seconde pour faire le tour du monde. Un quart de seconde avant le dernier coup C'était l'émission Blues FR.